Les membres du jury international de Russie, de Grande-Bretagne et de l'Inde pour le 15e Festival international de cinéma de Pyongyang sont arrivés le 13 courant par vol à Pyongyang. Par ailleurs, le même jour, un membre de la Nouvelle-Zélande y est arrivé par train.